Les deux moitiés de la vie. Un prêtre, fier propriétaire d'un bateau, invite le professeur du village à faire une promenade sur la mer Caspienne. Le professeur, assis, détendu à l'ombre, demande au prêtre: quel est le temps prévu ? Le prêtre vérifie le vent, regarde le soleil et dit: si tu m'en demandes, nous allons avoir une tempête. Le professeur ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre et, sur un ton de reproche, dit: mon père, n'avez-vous donc pas étudié la grammaire ? Il ne faut pas dire moi, mais me. Le prêtre hausse les épaules et dit: je ne suis pas tellement intéressé par la grammaire. Le professeur était désespéré. Vous ne connaissez donc pas la grammaire ? Alors, vous avez gâché la moitié de votre vie. Comme le prêtre l'avait prédit, de sombres nuages apparurent dans le ciel. Une forte tempête souleva les vagues et le bateau fut secoué comme une coquille. Les vagues remplirent le petit bateau d'énormes quantités d'eau. À ce moment-là, le prêtre demanda au professeur: n'avez-vous jamais appris à nager ? Le professeur répondit: non, pourquoi devrais-je savoir nager ? Le prêtre répondit avec un large sourire: dans ce cas, vous avez juste gâché une vie entière, car notre bateau est sur le point de chavirer.